Rien d'original, je suis resté mélancolique. Appelle-moi le marginal qui soit sa bête dans la musique. À la une de mon journal, une nostalgie basique. Mais cette fois-ci, rien de banal, je vais pas te faire une déprime classique. Les jours défilent, les années passent, y'a des défis, y'a des impasses. Et moi, je me méfie car dans ma tête, rien ne s'efface. Je prends la vie du bon côté et enfin, je fais tout pour. J'ai trop de choses à raconter et pour un début de parcours. À fleur de mots et qui a fait mal, la tristesse m'attendait pas. Je suis donc allé vers elle comme si j'étais un appât. À 14 ans, j'ai écrit pas mal de textes pour les cacher dans des classeurs. À 18, j'écris toujours, mais cette fois-ci sans effaceur. Car j'ai plus besoin d'effacer des mots froissés par leur froideur. À fleur de mots, j'écris partout, peu importe l'heure. À fleur de mots, j'écris bonheur, j'écris malheur. Tout ce qu'il y a dans mon cœur, je me prends pas pour un poète, mais je me prends pour un auteur. Je suis auteur et interprète, je vois pas pourquoi je t'écœure. Tu sais pas ce qu'il y a dans ma tête, et pourtant tu fais le moqueur. En résumé, mais j'essaie d'apprécier le verbe, même si je sais que ça paraît bête. À fleur de mots, moi j'écris la main sur le cœur. Oh, oh, oh, j'écris à fleur de mots. Sur la feuille, je me confie parce qu'il le faut. Oh, oh, oh, je chante avec les mots. À fleur de mots, y'a du courage. À fleur de mots, j'enchaîne les pages. À fleur de mots, peu importe l'âge. À fleur de mots, ça me soulage. Quand j'écris à fleur de mots, sur la feuille, y'a de l'espoir. Quand j'écris à fleur de mots, y'a bien plus que ce que je l'espoir. Parfois même s'il y a un besoin, mais ça personne ne le conçoit. Alors laisse-moi ce dans ma peine, je crois que c'est bien mieux comme ça. Hier, mots, ah pour le style, voilà ceux qui vont me dire. Ce ne sont que des paroles hostiles, je suis bien loin de ce délire. La plume en main, je me délivre. Sur la feuille, je me livre. Et que quelqu'un ose me dire, c'est des mythos. Tout ce que j'ai pu écrire, à part ça, je remercie le peu de gens qui m'ont suivi. J'ai trop de doigts pour le compter. Je sais sur qui je peux compter. N'essayez pas de me duper. Et comprenez que le rap m'apporte rien. Ou alors que des soucis. Mais tout ça, ça le vaut bien. Certains vont dire que je suis trop modeste. Manquait plus que ça pour compléter mon palmarès. Les langues de pute me font marrer. Sont plus nombreuses qu'elles ne paraissent. Qu'elles continuent à parler. C'est grâce à elles que je gagne la force. Et que je perds de la faiblesse. Oh, oh, j'écris à fleur de mots. Sur la feuille, je me confie parce qu'il le faut. Oh, oh, oh, je chante avec les mots. À fleur de mots, y'a du courage. À fleur de mots, j'enchaîne les pages. À fleur de mots, peu importe l'âge. À fleur de mots, ça me soulage. À fleur de mots, je suis seul et je l'assume. À fleur de mots, entre joie et amertume. À fleur de mots, il paraît je me donne un genre. Mais à fleur de mots, je m'en fous de ce que pensent les gens. À fleur de mots, seule ma plume me comprend. Et à fleur de mots, quand j'écris, je suis content. Ma plume écrit ce que ma bouche ne peut pas dire. Je me confie sur le papier, personne ne peut me l'interdire. Puis merde, j'en ai marre de radoter. J'ai l'impression de passer mon temps à chaque fois à me justifier. Désormais j'aimerais ma gueule, vous pourrez me critiquer. Retiens bien, vaut mieux être seul que très mal accompagné. Et moi préfère rester incompris. Que passer ma vie à m'expliquer. Dédicace à tous les gens qui m'ont compris, mais aussi à l'écriture car grâce à elle j'ai énormément appris. Oh, oh, oh, j'écris à fleur de mots. Sur la feuille, je me confie parce qu'il le faut. Oh, oh, oh, je chante avec les mots. À fleur de mots, y'a du courage. À fleur de mots, j'enchaîne les pages. À fleur de mots, peu importe l'âge. À fleur de mots, ça me soulage. Oh, oh, oh.